Tous ensemble, histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le Rwanda. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali. De l'attentat accusant les coupables tout désignés à l'opération. Vive l'armée française, vive l'intervention française. La radio gouvernementale ne cesse de répéter depuis hier ce slogan. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité. La France était prête sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies. Le régime qui massacre aujourd'hui a été aidé, soutenu, armé par la France. La Minua avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide. Les massacres des civils se poursuivent. Sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Les pays qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, on se posait pas la question où tout, on prend qui, on prend quoi. Un livre, Silence turquoise, co-signé Laure de Vulpian et Thierry Prégnaud, sous-titré Rwanda 1992-1994, responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis. Un livre qui revient sur l'opération humanitaire turquoise confiée à des militaires. Cette opération, planifiée par les autorités françaises, contestée dès l'origine, commence 12 jours seulement avant la chute de Kigali et la fin du génocide, 12 jours entachés d'impostures militaires et politiques et de choix très fautifs selon Thierry Prégnaud. Il y a quelques années, la justice a été saisie d'une plainte contre l'État français pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. L'enquête très serrée de Laure de Vulpian s'appuie sur le témoignage de ce sous-officier. Elle est aujourd'hui notre invitée, un entretien déjà diffusé en mars 2014. Avant de vous rencontrer, Laure de Vulpian, il fallait que je lise votre ouvrage et je n'avais que peu de temps, une journée, pour ouvrir 500 pages, disons, pour donner un chiffre rond, Silence turquoise qui est paru aux éditions Don Quichotte. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais en une journée. Et puis si, et c'est pour se débarrasser une fois pour toutes des compliments, c'est que votre ouvrage, il se lit très rapidement parce que il est d'une part tout à fait captivant, fort bien écrit, et je voulais d'abord vous le dire parce que comme après il n'y aura plus tellement de place pour dire c'est vachement bien, j'aime beaucoup ce que vous faites, voilà, autant commencer par ça. Silence turquoise, édition Don Quichotte, donc les bien nommés, j'allais dire. Laure de Vulpian, ce dont nous allons parler, touche un point particulier du Rwanda, de la guerre au Rwanda, des événements qui s'y passent plus exactement pendant la période du génocide. Et pour essayer de donner une première, un premier aperçu général, vous travaillez sur ce sujet-là depuis maintenant de nombreuses années. Vous avez produit pour France Culture quelque chose comme 23 ou 25 heures, vous me corrigerez. 25 d'émissions sur le Rwanda, et c'est un sujet sur lequel vous revenez depuis 2001, en fait. Assez régulièrement. Quel est le point de rencontre, la première fois, comment ça naît pour vous? Ça naît en 2001, avec le premier procès organisé en Belgique de quatre, en l'occurrence, génocidaires présumés rwandais. Donc moi, ma spécialité à France Culture, c'est la justice. Et donc ce procès survient en Belgique, c'est pas en France. Normalement, je vais pas forcément du tout suivre l'actualité judiciaire dans les pays même voisins. Mais là, c'est la première application de la loi de compétence universelle en Belgique. Ça porte sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est un sujet que la chaîne France Culture a toujours bien et beaucoup couvert. Moi, pas encore, mais la chaîne, oui. Donc, on me demande d'aller à Bruxelles pour travailler sur ce procès, pour le suivre en partie. Alors, je reste pas très très longtemps parce que, voilà, il y a des impératifs d'actualité en France, j'y passe à peine une semaine, mais c'est comme ça que je rencontre le Rwanda. Et en fait... Vous connaissez peu le sujet ou un peu? Ah non, je connais pas du tout. Pas du tout. Du ah, tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec le procès, vraiment, je débute à zéro. D'accord. Parce que en 94, je travaillais dans les radios locales de Radio France. J'étais pas encore à France Culture. Pour le coup, dans les locales, je ne travaillais que sur de l'actualité régionale. Donc vraiment, tout ce qui touchait l'international m'échappait, même si en tant que simple auditrice ou simple citoyenne, je pouvais avoir entendu. Mais quand on est en province, on est quand même sous-informé par rapport à Paris. Hein. Donc en fait, j'étais vraiment à peine informée sur ce qui s'était passé en 94. Et en 2001, je tombe sur un procès. Et d'une certaine manière, c'est une chance extraordinaire, parce que les rôles sont distribués. Il y a déjà eu en amont le travail d'un juge d'instruction. Cette instruction a duré pendant des années. Donc, la vérité n'est pas déjà dite. Au début du procès, elle n'est pas dite. Il faut attendre la fin. Mais quand même, on sait à qui on a affaire. On sait que dans le box, même s'il y a la présomption d'innocence, ce sont bien des accusés. Et on ne les accuse pas pour rien. Et quand on vous dit, voilà, à la barre, maintenant, une partie civile, c'est-à-dire une victime, bon, ben, vous voyez bien qu'elle est victime. Donc, la première victime que j'ai vue à la barre, c'est Specioz Mukayiranga. Je suis sortie de sa déposition liquéfiée. Parce que tout avait été dit en une heure de temps. Elle avait commencé en 1959... et elle s'était arrêtée au moment du génocide. Elle a perdu son mari et deux de ses enfants. Et je veux dire, j'ai eu droit à un raccourci extraordinaire, à une leçon d'histoire. Et voilà comment j'ai commencé à entrer dans ce sujet. J'y serais entrée par, plus tard, la lecture d'un livre, par exemple, de Pierre Péan. Ça aurait peut-être été très différent. Parce que découvrant le sujet, j'aurais peut-être abondé dans son sens, j'aurais peut-être suivi ses thèses. Vous vous adressez en ce moment, Laure de Vulpian, ou imaginez-vous plutôt que vous vous adressiez à une Laure de Vulpian de 2001, autrement dit à des gens qui ne connaissent pas le dossier. Là, vous êtes déjà vous-même très au courant, et dans ce que vous dites et votre formulation, vous induisez le fait que les gens sont forcément au courant, or je pars du principe qu'ils ne le sont pas forcément. Moi, je suis maintenant aguerri avec la lecture que j'ai pu faire de votre livre. Si on devait commencer ce récit, non pas comme vous le faites, mais on y viendra dans un taxi, on s'expliquera pourquoi, mais si vous deviez nous donner peut-être un premier aperçu belvédère pour qu'on plante un peu le décor. Autrement dit, il y a des événements. Il y a une lecture des événements, j'allais rajouter une lecture officielle des événements, une interprétation, et puis progressivement une autre vérité qui apparaît. Alors il faut que vous nous disiez justement, que vous nous dressiez ce paysage-là. Alors je vais essayer d'être un peu pédagogique en fait. Merci d'avance. Ça commence par la guerre, au sein de laquelle se déroule un génocide, et dans ce cadre-là, survient plus tard turquoise. Hein? C'est un peu des poupées russes. Pardonnez-moi, mais encore que le mot génocide n'est pas un mot qui vient tout de suite et naturellement. Non. La guerre, elle commence en 1990, en octobre 1990, quand le FPR de Paul Kagame, les rebelles, entrent au Rwanda, envahissent le Rwanda, avec comme objectif de renverser le régime à Birimana. Bon, c'est le début. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je crains de vous décevoir quelque peu, car j'ai en fait peu de choses à vous dire. Mission d'information sur le Rwanda, Assemblée nationale, France. Extrait du compte-rendu de l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense de mai 1988 à janvier 1991. Audition qui s'est tenue le mardi 16 juin 1998. Le seul souvenir que je garde est celui d'une matinée dans le golfe à bord d'une frégate avec le président de la République, l'amiral Langsad. À ce moment-là, on apporte un message où il apparaît que le président Habyarimana demande l'intervention militaire de la France. Mais la scène est très brève. Le président de la République, ayant pris connaissance du message, se tourne vers l'amiral Langsade et lui demande de répondre favorablement. Et ça, ça dure 3 ans, hein, avant qu'on arrive à une paix, une espèce de mauvaise paix, mais tout de même. À l'issue des négociations de paix, le régime, Habyarimana, est censé mettre en œuvre ces accords de paix et inclure au sein du nouveau pouvoir les fameux rebelles FPR. Qu'on ne peut plus... une forme de coalition. Quoi. Voilà, qu'on ne peut plus appeler rebelles. Ils deviennent une composante de la vie politique. Le problème, c'est que ça ne se fait pas. Parce que céder le pouvoir, même en partie, c'est toujours extrêmement difficile. Parce que, comme il y a toutes ces années de guerre derrière, entre 90 et 93, il y a des contentieux. Enfin, je veux dire, c'est difficile, ça, de cohabiter. Donc, les extrémistes Hutu, le pouvoir étant Hutu, plus extrémistes qu'Habyarimana, résistent et font tout ce qu'ils peuvent pour que ce partage du pouvoir ne se produise pas. Il y a une exaspération générale. Il y a des attentats ciblés, il se passe des tas de choses, etc. Bon. Et survient l'attentat. C'est avec une certaine consternation qu'on a appris hier la mort des présidents du Rwanda et du Burundi, deux petits pays de l'Afrique des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Est, deux pays donc décapités d'un seul coup lorsque l'avion a explosé en atterrissant probablement sous le tir de roquettes. Les deux chefs d'État rentraient d'un sommet régional en Tanzanie où ils avaient discuté d'un problème qu'ils ont en commun, la rivalité entre deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Alors aujourd'hui, c'était un climat de terreur qui régnait dans les rues de la capitale du Rwanda, Kigali. Dominique Lapointe, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Dominique, vous avez tenté depuis ce matin et du reste réussi à parler à des gens là-bas au Rwanda avec et au Burundi. Avec un peu de patience, oui, on y arrive. Mais on parle de deux présidents qui ont accédé au pouvoir de façon fort différente, pour des motifs fort différents. Le président rwandais Juvenal Habyarimana, lui, était un général qui avait mené un coup d'État en 1973. Il a toujours refusé de fait toute opposition jusqu'à l'été dernier, quand il s'était engagé à former un gouvernement de transition, mais c'est resté un processus qui piétinait. Mm-hmm. Le président burundais, lui, Cyprien Ntaryamira, juste au sud, était un jeune homme issu de ce genre de transition qui, là, s'amorçait, en tout cas, on pense, avec beaucoup plus de succès, mais même difficilement, il faut le dire. C'était un modéré moins politique, donc, que son voisin du Nord. Il était le succès désigné du premier président Hutu du Burundi, M. Ndadaye, on se souvient, qui a été assassiné l'automne dernier après 5 mois de pouvoir seulement. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali, accusant les coupables tout désignés, les Tutsis du Front patriotique dont les unités à Kigali sont toutefois rassemblées dans un camp loin de l'aéroport et contrôlées par les casques bleus. Rapidement, des bandes mêlant ici civils, là militaires et là encore des membres de la garde présidentielle ont investi la ville, faisant régner la terreur. Éric François, un équilibre terriblement fragile remis en question au Rwanda, mais est-ce qu'on sait au moins exactement ce qui s'est passé hier soir? Jacques, évidemment, la réponse la plus simple, la plus facile serait de dire, puisque ce sont des Hutus qui sont morts, eh bien ce sont les Tutsis qui ont fait le coup. Quel intérêt pour les Tutsis? Certes, si la démocratisation arrive à son terme, c'est-à-dire des élections, ils obtiendront sans doute moins de 10%, c'est-à-dire moins que ce que leur donnaient ces fameux accords d'Arusha. Mais leur position internationale est déjà très difficile au Burundi. Ont-ils vraiment intérêt à l'aggraver au Rwanda? D'autre côté, il y a les extrémistes Hutus, les faucons, ceux qui n'ont jamais voulu de ces accords d'Arusha parce qu'ils ne veulent pas partager le pouvoir. Ils ont appris, ou s'ils ont appris que leur président avait promis hier en Tanzanie d'accélérer le mouvement de démocratisation, ils connaissaient aussi l'heure du retour de l'avion et ils savaient que cet avion devait nécessairement passer en descendant vers l'aéroport au-dessus du camp militaire de Kanombe, où précisément il a été abattu. Personne ne peut dire aujourd'hui quelle est la bonne entre ces deux hypothèses. Mais ce qui est troublant, c'est que, vous l'avez dit, depuis ce matin, la chasse à l'homme organisée par la garde présidentielle s'attaque non seulement aux Tutsis, mais aussi à tous les Hutus qui défendent les droits de l'homme et qui défendent la démocratie. Mais surtout, la question ce soir, c'est de savoir ce que va faire l'ONU, coincée entre les soldats rwandais apparemment révoltés et les 600 hommes du Front patriotique qu'ils protègent quelque part sur une des collines de Kigali. et le génocide démarre aussitôt. Donc, les historiens le font démarrer le 7 avril au matin. En fait, on peut même dire qu'il a commencé le 6 au soir. Le génocide ne commence peut-être pas réellement pile poil à ce moment-là, mais quelques jours plus tard. C'est-à-dire, en fait, il y a d'abord une espèce de réaction des tenants du pouvoir, des plus extrémistes, en fait des militaires, qui s'attribuent le pouvoir. Tout est en déliquescence. Le président vient d'être tué, c'est énorme dans un pays, surtout qui est en déséquilibre. Hein. On n'a toujours pas la solution politique pour la transition qui va permettre d'agir la paix, de vraiment la vivre. Et donc, là, il y a des massacres ciblés de tous ceux qui doivent occuper des fonctions de pouvoir. Tous ceux qui assurent, de par la Constitution, l'intérim de l'État, tous ceux qui sont prévus pour siéger au Parlement, au Sénat, quand la paix sera enfin mise en place, etc. Tous ces gens-là sont tués. Le Premier ministre a tenté de s'enfuir. Nos militaires ont été appréhendés, tandis qu'il protégeait sa fuite. Les militaires belges ont été désarmés, puis amenés dans un camp du centre-ville où ils ont été exécutés. Oui, les 10 commandos de Flawin ont donc été pris au piège, semble-t-il, en tentant de protéger le Premier ministre rwandais. Ils ont été encerclés par des hommes de la garde présidentielle, les durs de l'armée rwandaise, avant d'être emmenés dans une base militaire, torturés et exécutés. Jean-Pierre Martin a tenté de reconstituer les faits tels qu'ils se seraient déroulés à Kigali. Le drame se serait déroulé ici, à Kigali, devant le domicile du Premier ministre. Menacée, Madame Agathe Uwilingiyimana bénéficiait de la protection de l'ONU. La Premier ministre est parvenue à s'enfuir sous la protection de nos gaillards, qui, entre-temps, se sont trouvés eux-mêmes totalement encerclés par les forces militaires rwandaises d'intervention. Ils ont alors été contraints de remettre leurs armes. Ils ont été emmenés dans un camp militaire dans la ville de Kigali. Nous avons eu contact avec eux, le commandant de bataillon a eu contact avec ce groupe jusqu'au moment pratiquement où il était dans ce camp militaire de Kigali. Il a pu signaler qu'il allait vers là. Puis nous avons perdu le contact et nous avons eu confirmation finalement qu'ils avaient été tués que assez tard le soir, après que le général Dallaire lui-même ait pu observer les cadavres dans l'enceinte du camp militaire. Puis, on commence, enfin, l'ordre est donné certainement, je n'y étais pas, je ne sais pas, et il n'y a pas d'écrit, l'ordre est donné de commencer à massacrer les Tutsis. De toute façon, les Tutsis étaient déjà désignés depuis très longtemps, depuis 1957, vous vous rendez compte, plus de 30 ans avant, comme étant ceux qui empêchent le Rwanda d'être un pays heureux, etc. Et donc le génocide commence. Philippe Gaillard, chef de la délégation du CICR au Rwanda de 1993 à 1994. On a vu hier de nos yeux 400 cadavres à l'hôpital de Kigali, dont une grande partie avait été évacuée par la Croix-Rouge rwandaise. S'il y a 400 cadavres à l'hôpital de Kigali, je suppose que le bilan qu'inévitablement il faudra faire, que les Rwandais devront faire d'ici quelques jours, lorsque la situation, j'espère, le permettra, le bilan devrait être assez lourd. Moi, je pense qu'on peut craint parler de milliers de morts à Kigali. Et puis, que se passe-t-il ? Au 79e jour d'un génocide qui a duré 100 jours, au 79e jour... Je rentre à Paris. Jean-Hervé Bradol est l'un des rares Français présents au Rwanda au moment du génocide. À partir de son expérience et de celle de Médecins Sans Frontières, il témoigne en 1998 devant la mission parlementaire française sur le rôle des ONG au Rwanda et les modalités de leur coopération avec les Nations Unies et les représentations diplomatiques occidentales. J'essaye de parler à la presse de ce que j'ai vu au Rwanda. À la suite d'une de mes interventions à la télévision, je suis convoqué à la cellule élyséenne par messieurs Delay et Pain, qui sont très énervés des déclarations que Médecins Sans Frontières fait, soulignant un peu l'implication de la France dans cette affaire et la passivité des responsables français, ne serait-ce qu'en termes de condamnation publique de l'extermination en cours à Kigali. Et là, nous sommes quand même surpris de la légèreté avec laquelle on nous répond, puisque je me souviens que M. Delay nous répond à l'époque qu'il a du mal à joindre au téléphone les responsables rwandais et que lui-même a peu de moyens de pression, voire peu de moyens de contact vis-à-vis d'eux. Le 14 juin, nous voyons le président Mitterrand. Là, le discours a totalement changé. À la question que pose Philippe Biberson au président Mitterrand, comment caractérisez-vous le gouvernement intérimaire ? Le président Mitterrand répond comme une bande d'assassins. Il nous précise également qu'il a reçu Madame Habyarimana à la suite de son évacuation en France. Pour reprendre ses termes, il nous dit qu'elle a le diable au corps, que si elle le pouvait, elle continuera à lancer des appels au massacre à partir des radios françaises et qu'elle est très difficile à contrôler et que la France a décidé de faire une opération, donc l'opération turquoise, pour essayer de porter secours aux victimes. Au 79e jour, commence l'opération turquoise, qui est une opération française, avec quelques participations d'Africains, de troupes africaines, mais vraiment à la marge. Qui a été décidée aux Nations Unies. Voilà, voilà. C'est mandaté par les Nations Unies, mais c'est proposé par la France, et surtout, le mandat de la France est rédigé par la France. Il y avait une mission des Nations Unies déjà sur place, hein, la MINUAR, dont le patron militaire était Dallaire et le patron politique Roger Bobo, Jacques Roger Bobo. Cette MINUAR, elle est complètement écartée de toute façon. Turquoise dit mais on vient se substituer plus ou moins ou aider à la jonction entre MINUAR 1 et MINUAR 2, ça c'est extrêmement compliqué, mais la MINUAR avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide de par un vote unanime des États, du Conseil de sécurité, les États membres, dont la France. Donc, la France propose, à la mi-juin, une opération humanitaire, parce que ça y est, on parle enfin de génocide. On a retenu le mot pendant très très longtemps, mais enfin, on se met à le prononcer officiellement. Il est déjà dans quelques comptes rendus, mais pas publics. Jean-Philippe Seppi est alors journaliste indépendant pendant le conflit au Rwanda. Il devient extrêmement dangereux, même pour les délégués, mais même pour les coopérants, de sortir dans les rues dès le moment où on peut vous assassiner simplement parce que vous avez des valeurs sur vous. Et un élément nouveau, c'est que les Belges, la chasse aux Belges est lancée. Et il est très dangereux maintenant d'être un Belge et on est arrêté à certains carrefours, à certains passages par des militaires qui vous demandent très brusquement si vous êtes Belge. Et il est clair que les Belges sont visés, et les Belges ont particulièrement peur pour leur sécurité. J'ai rencontré tout à l'heure un expatrié belge qui s'est trouvé en plein au milieu des combats et qui a dû fuir sous les bombardements, sous les balles avec ses trois enfants, qui était parvenu par miracle dans un hôtel et qui actuellement ne sait absolument pas comment il va être évacué, comment il va sortir du pays. François Mitterrand, président de la République du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. La France, il s'agit, n'est-ce pas, pour bien fixer les esprits, d'une ancienne colonie belge. Et la Belgique a fait d'excellentes choses et a gardé une sorte, comme pays européen, une sorte de, je dirais pas de tutelle, mais disons de compagnonnage avec le Rwanda un peu préférentiel. Mais la France, comme c'est un pays francophone, la France a été constamment appelée au secours. Et nous y avons envoyé des soldats à la fois pour aider à sauvegarder nos compatriotes qui vivent au Rwanda et sauvegarder en même temps ce que nous avons fait. Les Belges et toute nationalité européenne qui se trouvait là et qui faisait appel à nous. Mais nous n'avons pas envoyé une armée pour combattre. Et pour nous vous n'étions pas là-bas pour faire la guerre. Non, nous ne sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lorsque c'est l'horreur qui nous prend au visage. Nous n'avons pas le moyen de le faire. Et nos soldats ne peuvent pas être les arbitres internationaux des passions qui aujourd'hui bouleversent et déchirent tant et tant de pays. Monsieur le Président, bon, alors, nous restons, je vais avoir un aspect positif maintenant, nous restons à la disposition des Nations Unies. Si les Nations Unies, qui s'étaient emparées de ce problème, mais qui, devant la violence des combats, l'assassinat des deux présidents du Rwanda et du Burundi, les avancées du mouvement d'opposition appuyé, basé sur le pays voisin, l'Ouganda, tout ça à cause des affinités ethniques, les Nations Unies se sont retirées. Nous n'avons pas à nous substituer, ce n'est pas notre rôle, nous sommes à la disposition. Nous voulons bien être des bons soldats de la paix pour les Nations Unies. Et donc, la France vole au secours, entre guillemets, des Rwandais avec cette opération dite humanitaire qui sera turquoise. Et le Conseil de sécurité vote de justesse en faveur de cette opération. Il y avait beaucoup de réticences. La France était déjà impliquée au Rwanda. De quelle manière ? D'une manière militaire, dès le début de la guerre civile en 1990, avec une opération spéciale qui s'appelait Norwa, et qui était en fait une opération de soutien à l'armée officielle, l'armée régulière, l'armée du régime, contre le FPR, des rebelles Tutsis. Donc il y a beaucoup de pays, notamment anglophones, qui pensaient que la France était très mal placée pour intervenir, et surtout pour proposer, parce qu'elle était de parti pris. Et effectivement, on peut tout à fait interroger cette question-là. Demain, suite de l'entretien auprès de Laure de Vulpian, auteur de Silence turquoise, Rwanda 1992-1994, responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis. Un entretien déjà diffusé en mars 2014, une nouvelle réalisation signée Jean-Philippe Zwalen. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Zwalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.